quelle est exactement la différence entre un espion, une taupe, et un agent d'influence? Où commencent les activités de l'un et où finit le travail de l'autre? La frontière entre les deux est-elle encore plus perméable qu'on ne l'imagine? Ici même, avec M. X, nous avons déjà évoqué cette question. Je pense en particulier à l'affaire Charles Patté, ce journaliste qui éprouvait de la sympathie pour l'ex-URSS et publiait une revue en partie financée par Moscou. Était-il pour autant un espion soviétique? M. X ne le pense pas. Rappelons qu'à l'époque, à la fin des années 70, Charles Patté a été jugé coupable d'espionnage et emprisonné, seul exemple de condamnation d'un homme accusé de n'être qu'un agent d'influence. Beaucoup de spécialistes du renseignement estiment que notre pays a été une cible privilégiée pour les services secrets soviétiques. L'existence d'un puissant parti communiste, l'attraction exercée par Moscou sur de nombreux intellectuels, les sentiments anti-américains d'une partie non négligeable du personnel politique, la méfiance traditionnelle vis-à-vis de l'Allemagne ont permis ce travail souterrain. Et pour certains, l'aboutissement de cette action subversive a été, en 1966, la décision du général de Gaulle de soustraire les troupes françaises du commandement intégré de l'OTAN. Un homme très proche des milieux gaullistes a peut-être joué un rôle essentiel dans cette affaire. Avec M. X, nous allons essayer de démêler ce qui ressort de la rumeur de ce qui appartient à la vérité. Cet homme d'affaires était-il l'espion de l'Élysée, ce mystérieux colombine dénoncé par la CIA grâce aux révélations d'un transfuge soviétique, Golitsyn? Un mot d'abord. Il existe des hommes qui pensent, en agissant dans l'ombre, pouvoir être plus efficaces que les dirigeants politiques. Des hommes qui se sentent investis d'une mission et qui ne se rendent pas tout à fait compte qu'ils sont manipulés. Je pense à George Pack, par exemple. C'était ce haut fonctionnaire de l'OTAN qui a été accusé d'espionnage au profit de l'Union soviétique. Oui, Pack était sincèrement persuadé qu'en passant des documents à ses amis de Moscou, il travaillait pour la paix. Au reste, vous le savez, puisqu'on en a parlé ensemble, on a beaucoup exagéré le travail de nuisance effectué par Pack. Il existait bien une taupe de première importance à l'OTAN, mais ce n'était pas George Pack. On l'a démasqué bien des années plus tard. Et l'homme dont vous voulez me parler aujourd'hui appartient à cette catégorie? C'est une possibilité que je n'exclus pas. C'est un espion sincère, en somme. Ou un agent d'influence sincère, car, et c'est très troublant, il a reconnu qu'il entretenait des rapports avec des dirigeants du KGB. Ce qui vous fait douter qu'il ait pu être un espion au sens classique du terme. Certainement. Vous connaissez des taupes qui font des aveux aussi ingénus? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Mais alors, de qui s'agit-il? Il s'appelle, ou plutôt il s'appelait, car il est mort, François Sarr de Michel. Un homme qui a eu une vie assez extraordinaire. En fait, il se nommait Franz Sarr. Sarr, avec deux A. Oui. Ouais. Quelle origine? Hongroise. Il est né dans ce qui était encore l'Empire austro-hongrois. Il a passé sa jeunesse à Vienne. Sa famille était très aisée. Et Franz a fait d'excellentes études, et il s'est particulièrement passionné pour l'étude du français qu'il parlait à la perfection. Après l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion de l'Autriche par les nazis, c'est d'ailleurs en France qu'il choisit d'émigrer. C'est donc un opposant résolu au nazisme. Incontestablement, chez nous, au moment de la déclaration de guerre, Sarr veut s'engager dans la Légion étrangère, mais les militaires en jugent autrement. Sa connaissance de la langue allemande peut se révéler utile, et on l'enrôle au deuxième bureau. C'est-à-dire les services secrets de l'époque. Oui. Et qui fait-il, alors? C'est assez confus. Il aurait effectué une mission en Allemagne pendant la drôle de guerre, puis serait revenu en France. Et plus tard, beaucoup plus tard, on le retrouve en Corrèze, où il s'engage dans les rangs de la résistance. C'est là qu'il rencontre un homme qui va devenir son ami, le capitaine Uno, un polytechnicien qui sera un jour le numéro 2 du SDEC. Ça veut dire que Franz Sarr, dès le début, a des affinités avec le monde du renseignement. Peut-être s'agit-il des hasards de la vie? Franchement, je ne sais pas. Mais continuons. Résistant, donc, Sarr a pour pseudonyme Coriolan et de Michel. Ah oui, de Michel, d'où son funèbre nom, Sarr de Michel. Oui. Et sa résistance, alors? Je n'ai pas beaucoup de détails. Je sais simplement qu'en août 44, il a été l'un des acteurs de la reddition de Brive. Il a en effet pu prendre langue directement avec les chefs de la Gestapo. Toujours à cause de sa connaissance de l'allemand. Évidemment, et là on touche un point très sensible. Ah bon, c'est-à-dire? Il est certain que cet homme d'origine autrichienne est soupçonné par quelques-uns de ses camarades de la résistance. Mais soupçonné de quoi? De jouer un double jeu, ou d'entretenir des rapports un peu trop fréquents avec les Allemands. Oui, mais a-t-il porté tort à la résistance? Je n'en sais rien. Et si vous voulez mon avis, je ne le crois pas. Mais plus tard, lorsque Tsar de Michel sera soupçonné d'être agent soviétique, on murmura au sein des services secrets qu'il avait trafiqué avec les Allemands. Son dossier aurait été récupéré après la guerre par les Soviétiques. Ouais, les Soviétiques qui l'auraient fait chanter. Et qui auraient menacé de rendre public ce dossier s'il ne collaborait pas avec eux. C'est vrai que le cas s'est effectivement produit et que des agents ont ainsi été recrutés. Mais pour Tsar de Michel, il n'existe aucune preuve. Bon, admettons. Et après la libération ? On se souvient qu'il a appartenu au deuxième bureau et le colonel Passy, chef de nos services secrets, l'appelle auprès de lui et l'élève au grade de commandant. C'est donc une vraie reconnaissance de ses états de service. Oui. Hein. Mais dites-moi, vous auriez pu le rencontrer ? Je n'ai pas dit le contraire. Ah, alors dites-moi quel genre de personnage était-ce alors ? Un beau parleur, un type brillant, très cultivé, peut-être un peu trop désireux de se mettre en valeur. Tsar de Michel connaissait tous ceux qu'il fallait connaître. Et il adorait jouer les intermédiaires, les go-between, comme on dit aujourd'hui. Par ailleurs, il jouissait d'une certaine aisance. Oui, la fortune familiale. Et les affaires très lucratives qu'il va faire, en particulier avec l'URSS. Nous y voilà enfin. Attendez. Pour l'instant, François Tsar de Michel... Il a francisé son nom. Hein, oui, il est naturalisé son français, prénom, bien sûr. Oui. Donc Tsar de Michel est employé par nos services. La guerre n'est pas encore terminée et il est envoyé en mission avec un autre officier dans le nord de l'Italie. Et l'objet de cette mission ? Prendre contact avec les maquis, s'informer sur les mouvements des troupes allemandes et éventuellement se livrer à des opérations de sabotage. Oh, vaste programme. Et très risqué, car les deux officiers français parviennent en passant par la haute montagne à se glisser derrière les lignes ennemies. Et c'est là qu'ils vont vivre un épisode parfaitement rocambolesque. En prétendant qu'ils sont l'avant-garde d'un bataillon de para-alliés et de maquisards, ils obtiennent seuls la reddition des troupes allemandes en Italie. Mieux, ils font libérer tout un convoi de déportés politiques français, parmi eux, Léon Blum. Ah, Tsar de Michel est donc un homme courageux, hein ? Ça ne fait aucun doute. Il y avait de l'aventurier chez ce type-là. Oui. Et ensuite, alors, que devient-il ? Pour cet exploit, Tsar de Michel est décoré, Légion d'honneur, Croix de guerre, etc. Et on l'envoie à Vienne. À Vienne, qui était alors le haut lieu de l'espionnage après-guerre. Exactement, les agents secrets y grouillaient et s'y livrent à une féroce compétition. L'Est contre l'Ouest. Déjà, oui. Et on s'y livre à la chasse au cerveau allemand. Les soviétiques sont très présents. Et bientôt, les pays de l'Europe de l'Est vont tous basculer dans le communisme. Oui, mais que fait vraiment Tsar de Michel dans Eh bien, il noue des contacts avec des gens qui vivent au-delà de ce qui sera bientôt le rideau de fer. C'est-à-dire qu'il essaie de monter un réseau d'espionnage ? Oui, et il faut croire que Tsar est relativement efficace, puisqu'il annonce 2 mois à l'avance le coup de force communiste à Prague. Mais déjà, il fait l'objet de soupçons. Pourquoi ? D'abord parce que Tsar de Michel est un franc-tireur qui mène ses affaires à sa guise et sans toujours en référer ses employeurs. Ensuite, certains n'ont pas oublié que c'est un Français de fraîche date. Et enfin, il a noué des relations avec des agents soviétiques. Mais, j'imagine que c'est dans le cadre de son travail. Naturellement. Ce n'est pas très étonnant. Sur certains sujets épineux comme la mainmise sur des entreprises allemandes, il faut bien négocier entre alliés. Mais c'est vrai que très vite, à la direction du SDEC, notre nouveau service de renseignement, on considère que Tsar de Michel est un élément qui dérange. On le vire ? Il a compris. Et c'est lui qui prend l'initiative et qui démissionne. Mais il gardera des relations avec le SDEC, en particulier grâce à son ami Uno, qui l'a connu dans la résistance en Corrèze, et qui lui aussi a rejoint les services secrets. Bon, il démissionne, mais que va-t-il faire ? Tsar de Michel se lance dans les affaires, l'import-export. Il utilise d'abord ses relations autrichiennes pour conclure quelques contrats, mais c'est au début des années 50 qu'il va réellement décoller. Il a alors l'idée de faire des affaires avec l'URSS, un pays qui n'a pas d'accord commercial avec notre pays. J'imagine qu'il ne se lance pas sans avoir pris des contacts préalables. Ça me paraît évident. Et Tsar de Michel a dû mettre à profit les relations qu'il a nouées après-guerre avec des agents soviétiques. Car on ne commerce pas avec l'URSS si on ne jouit pas de puissantes recommandations. Oui, mais c'est excessivement dangereux, car il risque de se compromettre. Et Tsar de Michel, ancien agent lui-même, est bien placé pour le savoir. Ouais, pourtant, alors selon vous, il saute le pas. Oui. Oui, et dans un premier temps, au moins, je suis sûr que Tsar de Michel se dit que l'établissement de rapports commerciaux ne peut qu'améliorer la coexistence entre les deux blocs. En outre, et c'est un point qu'on ne peut pas mésestimer, ses affaires vivotent. Ouais, et voilà un moyen de gagner de l'argent, quoi. Beaucoup d'argent. Car Tsar de Michel va devenir au fil des ans une sorte d'intermédiaire obligé entre les industriels français et les autorités soviétiques. Mais vous avez parlé de ces relations soviétiques, mais est-ce que vous en savez plus ? Oui. L'homme qui va le piloter à Moscou et favoriser ses affaires est un ministre. Un certain Gourbanov, qu'on connaît aussi sous le nom de Gribanov. Ouais. Un homme du KGB ? Un général, oui. Mais je vous ai déjà parlé de ce spécialiste, de la manipulation et des coups tordus. Vous vous souvenez de l'affaire de l'ambassadeur de Jean? Ah oui, alors de Jean en couche? Ouais. Oui, c'est ainsi que de Gaulle avait accueilli de Jean à son retour de Moscou. De Jean dans le lit duquel Gorbanov avait placé une adorable danseuse soviétique. Ouais, en comptant le faire chanter. Naturellement. Ouais. Et à mon avis, ce n'est pas un hasard si c'est justement ce Gorbanov qui va prendre en charge Sahar de Michel. C'est en 1947 que Sahar de Michel, en rompant avec le SDEC, met fin à sa carrière d'espion. Officiellement en tout cas. C'est ce que pense Thierry Volton, qui estime que l'ancien agent a dû quitter les services français à cause de ses liens trop étroits avec les soviétiques. Et dans son ouvrage « La France sous influence », il revient sur les débuts d'homme d'affaires de Sahar de Michel. Sahar de Michel fonde deux sociétés, la Comint et la Ricom, qu'il installe rue Royale à Paris. Il s'est associé pour cela avec un certain Abraham Cohn, qu'il va réussir à évincer en 1954. Jusqu'à cette date, ses affaires végètent. Il traite quelques contrats en Autriche, en Allemagne et en Tchécoslovaquie, pour le compte de Schneider notamment. Et en février 1954, il prend contact avec le représentant commercial de l'ambassade du RSS. Il lui propose de vendre en France 5000 tonnes de pâte à papier soviétique pour une valeur de 300 millions de francs. Méfiant, le représentant commercial interroge Guy de Boisson, conseiller de la BCEN, la Banque soviétique de Paris. L'ARICOM est une petite affaire, répond le banquier. De Michel travaille à la commission comme intermédiaire, il n'a personne derrière lui, il n'a pas la surface financière pour l'affaire qu'il propose. Prudence. L'affaire se fait quand même. Et c'est ainsi que Sahar de Michel va devenir l'exportateur exclusif de la pâte à papier soviétique en France. Volton souligne donc, l'affaire se fait quand même. Est-ce qu'à Moscou, Sahar de Michel a été puissamment appuyé? Grâce à Gorbanov, dont il devient l'ami, Sahar de Michel va donc brasser des affaires très importantes. Un mot avant d'aller plus loin. Quel est l'intérêt du KGB en tout cela? Il est double. D'abord, Sahar de Michel est un ancien agent français. On peut donc supposer qu'il a gardé des contacts avec les services. Oui, en particulier avec son ami polytechnicien. Là. Uno, oui. Ensuite, on n'ignore pas à Moscou que Sahar de Michel a beaucoup d'entre-gens. Et justement, à peu près au moment où il se lie d'amitié avec le général Gorbanov, l'homme d'affaires approche les milieux gaullistes. Une simple coïncidence. Voulez-vous insinuer que Sahar de Michel réagit sur l'injonction du KGB? Pourquoi pas, hein? Eh bien, désolé, je n'en sais rien. Mais ça ne serait pas impossible. Le général de Gaulle est en pleine traversée du désert, mais dans l'ombre, ses partisans s'agitent et préparent son retour au pouvoir. Alors, quelle année, là? Au milieu des années 50. Mmh. Et comment Sahar de Michel est-il accueilli par ces gaullistes? Très bien. C'est un ancien résistant, il ne faut pas l'oublier. Et puis bientôt, il va se montrer très généreux. En donnant de l'argent au mouvement? Bien sûr. Sahar de Michel va, par exemple, contribuer à financer le journal de Michel Debré, le Courrier de la Colère. Un journal à petit tirage, mais qui avoir une grande influence dans les milieux de droite et d'extrême droite. Bref, chez tous les partisans de l'Algérie française qui veulent en finir avec la 4e République. Ouais. Ce journal, attendez, ça c'est marrant. Ce journal très nationaliste va donc être en partie financé avec de l'argent qui vient de Moscou? Mais c'est la vérité. Et Debré le sait? Ah, ça c'est autre chose. Michel Debré n'a jamais nié que Sahar de Michel avait financé son journal. Mais il pouvait légitimement ignorer que son mécène était très lié à un général du KGB. Et que c'est grâce à ce général qu'il faisait d'excellentes affaires avec l'URSS. J'ajoute que c'est aussi à cette époque que Sahar de Michel fait la connaissance de Jacques Foccart. Ah, l'éminence grise du général de Gaulle. Oui. Ça signifie donc que Sahar de Michel a réussi son opération de pénétration. Ah, s'il s'agit réellement de pénétration, oui. Mais d'un autre côté, il s'évertue aussi à convaincre ses amis soviétiques que le retour du général de Gaulle aux affaires ne pourrait être que bénéfique pour les relations franco-soviétiques. Et c'est à son initiative qu'un rendez-vous est donc organisé entre le général de Gaulle et l'ambassadeur de l'URSS en France, le célèbre Sergueï Vinogradov. Ouais. Mais tout ceci est très important. Parce que là, Sahar de Michel joue sur les deux tableaux. Oui. Aux soviétiques, il affirme qu'il est du dernier mieux avec les gaullistes et l'entourage le plus proche du général. Et aux gaullistes, il dit qu'il entretient des relations privilégiées avec de hauts responsables soviétiques. Il y a une part de bluff là dans cette attitude? Peut-être, mais Sahar de Michel a au moins un talent, celui de montrer qu'il est irremplaçable et qu'il est le véritable artisan du rapprochement franco-soviétique. D'autant, c'est vrai, hein, le retour du général au pouvoir va amorcer ce rapprochement. Et Sahar de Michel pourra prétendre, mais après tout c'est peut-être la vérité, qu'il va contribuer à modérer les soviétiques dans leur appréciation de la politique française en Algérie. Il aurait même demandé à Moscou de faire pression sur Prague pour que cessent les livraisons d'armes tchèques au FLN. Ouais. Alors, c'est un agent d'influence dans les deux sens. Je le crois, même s'il doit d'abord son influence aux activités commerciales que lui permet son grand ami Gorbanov, avec qui il passe régulièrement de longues soirées très arrosées à Moscou ou ailleurs. Ouais. Mais ses activités commerciales, au fond, profitent aussi à la France. C'est exact. Par exemple, le tsar de Michel va jouer un grand rôle dans l'adoption par l'Union soviétique du système français de télévision en couleur, CECAM. Rappelez-vous qu'à l'époque, on a présenté cet accord comme une grande victoire de notre industrie. Oui, cocorico. Bien sûr, car on faisait aussi la nique aux anglo-saxons et on espérait que notre système CECAM, grâce à cet accord technologique, serait promis à un grand avenir. Ce qui n'a pas été malheureusement le cas. Mais au fond, moi je ne vois pas ce qu'on peut vraiment reprocher à Sartre de Michel. Vous avez raison. Tant qu'il se contente de faire des affaires, il est irréprochable, car il rend service aux uns et aux autres. Mais il va au-delà. C'est-à-dire alors... Je vous l'ai dit, Sartre de Michel a l'ambition de devenir un personnage essentiel dans les contacts entre notre pays et l'URSS, les contacts politiques. Et bientôt, il va alimenter l'Élysée en rapports sur l'Union soviétique, des rapports qui ne sont peut-être pas tout à fait innocents. Il y a des rapports inspirés. C'est certain. Et c'est Gourbanov et à travers lui le Kremlin qui fournit la matière de ces rapports. D'accord, ça c'est plausible, mais que contiennent exactement ces rapports envoyés à l'Élysée ? Ce sont des notes sur la situation politique en URSS, des appréciations sur la position de tel ou tel, des confidences de dirigeants que Sartre de Michel a rencontrés. Ouais. Et vous pensez que ces rapports doivent beaucoup au KGB ? Naturellement. En fait, ils ont pour mission d'influencer l'attitude de la France vis-à-vis de l'Union soviétique. Une union qui est toujours présentée sous son meilleur jour. Et vous dites que ces rapports sont adressés à l'Élysée, mais quand même pas personnellement au général. Non, mais à son conseiller diplomatique. Donc De Gaulle est parfaitement au courant. Assurément. Et à l'Élysée, on sait que ces rapports sont orientés et que Sartre de Michel est proche du KGB ? Le général était loin d'être un naïf. Oui. Et d'ailleurs, il finira par être mis en garde contre l'activité de Sartre de Michel. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Hein. Pour les soviétiques, Sartre de Michel est donc une sorte d'ambassadeur de l'ombre. C'est à peu près ça, oui, la voix de Moscou. Une voix par laquelle on peut faire passer des messages que la diplomatie traditionnelle est dans l'impossibilité de transmettre. Et il est sûr que c'est par ce canal que le Kremlin a tenté d'influencer la politique étrangère française. Vous voulez parler de l'anti-américanisme croissant du général de Gaulle ? Oui. Et ça ira, vous le savez, jusqu'au départ de notre pays des structures de commandement de l'OTAN. Et pensez-vous que l'action de Sartre de Michel, et donc du KGB, hein, a pu jouer un rôle dans cette affaire-là ? En tous les cas, les soviétiques l'ont prétendu, mais franchement, je n'en crois rien. Le général de Gaulle n'avait pas besoin qu'on lui tienne la main pour prendre une décision si importante. Mais Moscou a poussé à la roue, car la politique étrangère de Gaulle avait sa faveur. Mais Sartre de Michel a rendu aussi d'autres services à ses amis soviétiques. Par exemple ? Eh bien, ce fin connaisseur des milieux politiques français, en général, et gaulliste en particulier, a donné de précieux renseignements sur les personnages clés du pouvoir. Il ne manquait pas non plus à chaque fois qu'un de ses hommes a fait le voyage de Moscou de le prendre en main et de lui présenter son cher ami Gourbanov. J'imagine sans lui dire quand même que ce Gourbanov était un dirigeant du KGB. Hein. Ça va de soi. Mais les activités de Sartre de Michel n'ont pas dû échapper à la sagacité de nos services spéciaux. Bien sûr. Comme tous les gens qui commercent avec l'URSS, Sartre de Michel fait l'objet d'une discrète surveillance. Mais Osdeck, son fidèle ami, le colonel Ounot, est devenu le numéro 2 du service. Sartre de Michel ne peut pas avoir de meilleure protection. Mais il y a la DST aussi. On est plus circonspect. Et depuis longtemps, Sartre de Michel est catalogué comme agent d'influence et peut-être même comme espion. Mais l'homme d'affaires, je vous l'ai dit, connaît beaucoup de monde. Il est au mieux avec pas mal de ministres gaullistes ou de personnalités comme Focard. Ouais, Focard qui supervise alors les services secrets. Oui, alors on hésite à s'attaquer à lui. Mais on prend quand même quelques précautions. Il est par exemple conseillé à Michel Debré de cesser tout contact avec lui. Et Debré y consent ? À regret, sans doute, car il n'a pas oublié que Sartre de Michel a été l'un des bailleurs de fonds de son journal. En tout cas, c'est l'indice que plus le temps passe et plus Sartre de Michel est dans le collimateur des services français. Mais la disgrâce devra encore attendre. Qu'est-ce qu'un agent d'influence ? Écoutons un spécialiste, l'ancien patron de la DST, Marcel Chalet. Dans un livre d'entretien avec Thierry Volton, Les Visiteurs de l'Ombre, il dit ceci. On fabrique par exemple un personnage, si on ne l'a pas sous la main, qui est supposé avoir des informations privilégiées grâce à des circonstances particulières, à son propre talent ou à son esprit d'initiative, provenant des milieux proches du pouvoir. Et ce monsieur va colporter jusqu'au niveau souhaité les informations qui lui ont été distillées en parfaite connaissance de cause. C'est une sorte de diplomatie parallèle qui sera ainsi mise en place, l'agent d'influence rapportant, comme le ferait un ambassadeur, les confidences reçues de personnalités bien placées. Le message sera d'autant plus crédible que l'effet de surprise jouera. Et si d'aventure, il y a possibilité pour celui qui a monté l'opération de la conforter, de lui apporter un élément de vraisemblance supplémentaire en organisant parallèlement une autre opération de même type avec des personnages différents, ou si, sommet de l'art, il y a possibilité d'acheminer par la voie d'une source officielle des informations analogues, alors là, le résultat espéré peut être très important, l'impact considérable. Je vais revenir sur les premiers soupçons qui ont pesé sur Sarre de Michel. Foccart, avec qui il était très lié, m'avez-vous dit, a forcément appris. Bien entendu. Et à votre connaissance, alors comment Foccart a-t-il réagi ? Il a continué à fréquenter Sarre de Michel comme si de rien n'était. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie ? Le croyait-il parfaitement innocent ou bien... Ou bien a-t-il agi en toute connaissance de cause, c'est cela ? Ben, on peut se poser la question, non ? Vous avez parfaitement raison. Et l'attitude de Jacques Foccart permettra plus tard d'insinuer que c'était lui, la taupe soviétique de l'Élysée. Mais enfin, lui, Foccart. Oui, oui. Enfin, reprenons les choses dans l'ordre. C'est en 1961 qu'Anatoli Golitsyn passe à l'Ouest. Qui est celui-là ? Ça, c'est un commandant du KGB chargé d'exploiter les opérations d'espionnage effectuées en Amérique et en Grande-Bretagne. Dès sa défection, il est aussitôt pris en charge par les Américains. Il est alors débriefé, comme on dit. Oui, et il donne le nom de nombreuses taupes. Alors ça, nous en reparlerons un jour plus longtemps, car cette affaire n'est pas aussi claire qu'elle le paraît. Alors voyons essentiellement les conséquences de cette défection, pour nous, Français. Oui, Edith Golinsyn s'occupait des pays anglo-saxons. C'est vrai, mais ça ne l'empêchait pas d'avoir aussi quelques informations sur la pénétration soviétique dans notre pays, où il existerait un réseau appelé Saphir. Oui, Saphir qui deviendra Topaz ou... La plume du romancier Léon Uris. Exactement. Et l'information la plus importante communiquée par Golitsyn, c'est la présence d'une taupe dans l'entourage du général de Gaulle. Ouais, celle qu'on appellera, enfin la taupe qu'on appellera Colombine. Colombine, oui. Ouais. L'affaire paraît suffisamment grave pour que le président Kennedy en personne écrive au général pour l'avertir. Par ailleurs, Golitsyn a affirmé que notre service de renseignement, le SDEC, est infiltré par le KGB. Réaction du général de Gaulle, hein. Mais il apprécie peu et décide immédiatement d'envoyer une mission aux États-Unis. Pour vérifier ces informations? Et surtout interroger directement Golitsyn. Résultat, alors? Les membres de cette mission, tous des hauts responsables de nos services, des ST et SDEC réunis, reviennent convaincus. Et c'est le début d'une chasse aux taupes qui va faire beaucoup de dégâts dans les services. Ouais, la suspicion généralisée. Oui, on se demandera même si parmi les membres de la mission envoyée aux États-Unis ne se trouvait pas une taupe. Enfin, le SDEC sortira de cette affaire durablement affaibli. Ouais. Mais est-ce qu'on a réellement identifié les taupes ? Non. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas. Mais enfin, écoutez bien, les soupçons se portent principalement sur le numéro 2 du service. Ah oui, c'est l'ami de Sarre de Michel. Oui, Ounod, qui est depuis devenu général. Ouais. C'est son amitié avec Sarre de Michel qui le rend suspect ? Ça a certainement beaucoup compté. Mais on a aussi ressorti une vieille affaire. Après la guerre, Ounod, qui a été l'un des fondateurs du SDEC, a été nommé à Prague. Or, à l'époque, il aurait eu une aventure avec une danseuse tchèque. Encore une danseuse ? Oui, oui. Les services des pays de l'Est ont souvent utilisé ce procédé vieux comme l'espionnage lui-même. Ouais, confidence sur l'oreiller. Et ça a très bien fonctionné. En Allemagne, par exemple, les services du célèbre Marcus Wolf envoyaient de beaux jeunes hommes chargés de séduire les secrétaires travaillant dans les ministères. Mais passons. Donc Ounod est doublement suspecté. Oui, mais à votre avis, là, Ounod a-t-il été réellement piégé par cette danseuse ? Tout est possible. Mais aucune preuve n'ayant jamais été apportée, le général Ounod est présumé innocent. Toutefois, un troisième point va jouer contre lui. Son amitié avec l'ambassadeur de Jean. Ah oui, de Jean qui, lui, a vraiment été piégé par les soviétiques. Hein. Tout à fait. Ouais. Alors là, nous avons un trio. Hein, Sarre de Michel, Ounod, de Jean. Trois amis. Ouais. Et au-dessus, il y a Foccart, l'homme de l'ombre de l'Élysée. Foccart, l'ami de Sarre de Michel, qui est à l'origine de la nomination du général Ounod au poste de numéro 2 du SDEC. Ouh, ça commence à faire beaucoup, ça. En effet, oui. Les gens de la DST sont persuadés qu'ils ont identifié les principaux responsables du réseau Saphir. Mais, je vous le répète, il n'existe aucune preuve et seulement des soupçons. Ah, de gens quand même. On estimera que notre ambassadeur a seulement été victime de son penchant pour les jeunes et jolies femmes. Et comme semble-t-il, il n'a fourni aucune information essentielle aux soviétiques, on se contentera de lui demander d'abandonner la carrière diplomatique. Immédiatement, notez-le bien, son ami Sarre de Michel viendra en aide et lui trouvera une place dans l'une de ses sociétés chargées de commercer avec l'URSS. Mmh. Oui, il a été sauvé, quoi. Mmh. Mais revenons à l'information la plus grave, enfin contenue dans la lettre du président Kennedy, hein, la présence à l'Élysée d'une taupe soviétique. On a longtemps cherché, on a même prononcé le nom d'un ministre très proche du général. Mais c'est Foccart qui a remporté la plupart des suffrages, si je puis dire. Foccart, Colombine. Oui. Ouais. Mais vous n'y croyez pas ? Absolument pas. Alors, l'espion du général, c'était Sarre de Michel ? L'agent d'influence, oui. Un homme qui reconnaîtra plus tard, mais je crois vous l'avoir déjà dit, qu'il était au mieux avec ce général Kourbanov et qui était l'un des maîtres espions du KGB. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de disgrâce, hein, de disgrâce qui tardait. Y a-t-il eu vraiment des sanctions contre François Sard de Michel ? Aucune. Mais on a demandé à certains personnages proches du pouvoir de prendre leur distance. Toutefois, la disgrâce sera temporaire. Dans les années 70, Sard de Michel sera nommé à la direction de la SOFMA. Qu'est-ce que c'est, la SOFMA, là ? Une société particulièrement sensible. Une firme chargée par l'État de vendre des armes à l'étranger. Si Sard de Michel était réellement un agent soviétique, c'était assez cocasse. Hein. En tout cas, on n'accède pas à la direction d'une telle société sans avoir fait l'objet d'une très sérieuse enquête. Or, malgré les soupçons qui pesaient sur lui, Sard de Michel a été accepté. C'est donc pour vous la preuve qu'on n'avait rien vraiment contre lui ? Rien de concret, non. Ouais. À moins justement qu'on ait pensé que les amitiés de Sard de Michel pouvaient être utiles. Mais je reviens au général de Gaulle et à ses réactions. Hein. Le général jugera l'affaire subalterne. Ah, subalterne, c'est l'adjectif qu'il lui dira aussi à propos de l'affaire Ben Barka. Et je l'emploie à dessein. Donc le général fera tout pour éviter un grand déballage nuisible aux intérêts de la France. D'ailleurs, il pensera peut-être, comme beaucoup d'autres gaullistes éminents, que les Américains avaient peut-être mené là une opération d'intoxication destinée à semer le trouble dans nos services. Ouais. C'est votre avis ? Pourquoi pas. La politique étrangère du général les irritait. Tous les coups étaient permis. Et répandre la rumeur qu'un espion soviétique était dissimulé à l'intérieur même de l'Élysée ne pouvait qu'arranger leurs affaires. Ça permettait de donner une explication supplémentaire à l'anti-américanisme du général de Gaulle. Ouais. Mais justement, si Sard de Michel a été réellement un agent d'influence soviétique, est-ce que de Gaulle le savait ? Bien entendu, il n'était pas dupe. Mais était-ce parce qu'autrefois Sard de Michel avait rendu des services aux gaullistes ou bien parce qu'il trouvait que ses activités ne portaient pas à conséquence, il n'est jamais intervenu. En toute connaissance de cause ? Mieux. Il a répondu à l'une des nombreuses notes du contre-espionnage qui lui demandait une fois de plus de se méfier de lui. Mais tout le monde sait que Sard de Michel est un agent soviétique. Toutefois, il ne rencontre pas d'espions sur un coin de trottoir, alors laissez-le en paix. Qu'en est-il réellement ? François Sard de Michel a-t-il été le deus ex machina de la pénétration soviétique en France ? Ce n'est pas à moi de juger. Mais les spécialistes du monde du renseignement continuent à s'interroger. Et Constantin Melnik, qui a été en charge des services secrets auprès du Premier ministre Michel Debré, n'hésite pas à écrire ceci dans son ouvrage « 1000 jours à Matignon ». Le gaullisme, plus que tout autre mouvement, pullulait d'agents d'influence de l'agréable KGB, dont nous ne sommes jamais parvenus, mépris des gens du pouvoir pour les obséder du contre-espionnage ou à très gaulien pour l'amitié franco-russe, à débarrasser de Gaulle. Ces braves gens n'ont pas dû, bien qu'on ne puisse en apporter la preuve, rester inactifs. La manière dont le nouveau SDEC traitera, après le départ du général Grossin, le matériel Golitzine, mêlant une démarche très gaulliste, incompétence et suffisance, scepticisme et anti-américanisme primaire, est une page noire de l'histoire, tant du renseignement français que de l'Alliance Atlantique. Jugement sévère, mais qui ne clôt pas l'affaire Sard de Michel.